Hey. Bitch! Saoulé par la vie, pourtant moi je bois pas. Saoulé par ces mecs derrière qui parlent trop. Crache dans le dos, mais en face, mon négro, tu baffes trop. Que du bluff, flèche des surf quand le buzz s'installe gros. Mon pote, ça bouge pas. Bouge pas. Check mes gars, le flow est là, ne nous en veux pas. Sinon, à part ça, c'est quoi les balles? On parle chiffres, on parle bisous, on parle pas. Baisse la tête, car mon négro, j'arrive par le bas. Patate à la MMA, j'assure toutes mes droits. Corset et mon putain de flow, car ton corps sage. Invite cette flow pour un seul vlog. Fuck tous ces négros. Arrête d'ailleurs, fais des zéros. Y-O-L-O. Ma devise, faire des zéros. Shoot et j'termine tous ces mains. Oh, j'arrive et tu flaires le thème. Damn, plus j'm'impose et plus j'aime. J'ai des bandes à part, black à part. Tous ces négros savent, j'les blesse un par un. Quoique les règles des 80, envoie juste mon putain. J'ferai du chiffre malgré mon teint. On veut des gros sommes, pas ton pot de vin. Make money, on veut make money. Feuilles violées pour vrai négro. Plus j'pose, plus j'grossis, plus j'place, plus tu fléchis. Violent est mon visu, oh, sympa est le vôtre. Négro, ne t'inquiète pas, j'vais leur mettre leur part. DJ et ma frappe. Fuck tous ces négros. Arrête d'ailleurs, fais des zéros. Y-O-L-E. Ma devise, faire des zéros.